Tu vois, on met le couteau à droite de l'assiette, la fourchette à gauche et la petite cuillère devant l'assiette. Le verre, on le met ici et la serviette? Aujourd'hui, le plat du jour, c'est du poisson. Saumon et purée de pommes de terre. Et en dessert, la mousse au chocolat, comme tous les jeudis?